Et ma coffrette à Paname si j'ai Elodie. Et que Dieu nous préserve de toutes ces maladies. Surveille toujours tes paroles à qui tu le dis. J'ai refusé plus de 40 deals. Et côté cœur j'ai un crocodile. Demande à Freeze, nous on porte pas de dealer. À l'époque en soirée c'était tous mes dealers. Dans la vie tous les jours je m'ouvre comme soldat. Et à chaque showcase je fais que des sold out. Tout dans la pocket, big lance roquette. 100 balles sous la moquette, on mange pas de croquettes. Movie, la roue a tourné comme une pookie. Et dans la tête j'ai trop de soucis. On parle pas, on voit la prod, t'inquiète on la pousse. Pussy. Tous ces rappeurs c'est des poussies. J'envoie un SO à Boussy. Badass la cali fait tousser. Bitch tu conseilles tu sais plus où t'es. On a le 3X il est velouté. Face à nous il veut lutter. Un outil je l'actionne soit tu pars soit tu sais plus où t'es. Et ça se finit en ITT. Fuck toutes les brigades même celles en VTT. J'suis chargé à mort dans le VTC. Tous les plugs à voir ça sont dans le BTC. Sa vie sert dans des allées qui puent la pisse. On se fait palper par des bacs qui puent la tisse. Vrai OG, shoot un indic. Dans des affaires juteuses nous on est impliqués. Tu connais la devise billet faut dupliquer. On peut pull up l'ombre un peu comme des criquets. Depuis 2018 je sais que j'suis fliqué. Ils se sont fait des films, j'suis pas du tout friqué. Si tu vois deux de quelque part tu peux cliquer. Et là j'allume du statique, envoie un briquet. Anonymous le Forbidden il m'a piqué. Une fois de plus c'était pas compliqué. Ils pensent que le rap ça paye bien. Mais c'est avec d'autres affaires que j'ai fait des billets. Quitter la rue, donc j'ai revendu mon canon scié. Chacun pour soi et Dieu pour tout. Jamais oublier que c'est lui qui nous donne tout. C'est pour ça que je vais arrêter de trapper et rapper avant de finir dans le trou. Tu comprendras que je suis leur mentor. Ira bien mais c'est tous des menteurs. Vous êtes beaucoup à m'écouter. J'ai dit des trucs, j'en suis dégoûté. Deux, je suis leur mentor.